Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'abat. Bonsoir, DJ Melon. Hola, Selecta. Oh là là là, c'est le retour du secret du son d'abat dans vos petites oreilles. Après une longue absence, on est enfin là. On a pris nos ailes pour s'envoler un peu plus loin, un peu plus. On a monté notre studio au fond d'une caravane dans un lugubre camping du centre-Bretagne. Voilà. Nous revoici. Nous revoici. Et vraiment, on a la patate, on a 20 000 disques de retard. On a 20 000 émissions de retard, donc vous allez en bouffer du son comme jamais. Comme d'hab, hein, le programme est le même, le tarif est le même, c'est-à-dire du bon son, plein de découvertes, quelques nouvelles. En provenance des concerts. En provenance des concerts. Passé ou à venir. Passé à venir, parce qu'on va revenir sur ces 9 derniers mois qui ont été quand même bien chargés. On a vu des très très belles choses un peu partout. On va commencer par soi-disant l'événement hip-hop de l'année. Évidemment, c'en est pas un. Ça y est, je te sens caustique d'entrée. Ah bah oui, on n'a pas perdu. Je te retrouve. On parle évidemment de Shabazz Palaces. Voilà, le nouveau retour du hip-hop américain, expérimental soi-disant. Évidemment, c'est pas très expérimental, mais c'est bien foutu. Et c'est pour ça qu'on. Ça groove gentiment. Moi, j'ai sorti mes chaussons. Voilà. Je suis bien, le canapé est moelleux. C'est peinard, un bon spliff, une bonne bière et on est tranquille. C'est sur Sub Pop. L'album, il s'appelle Black Up et ils seront l'une des têtes d'affiche des Transmusicales de Rennes 2011. Vous imaginez le buzz qui les a complètement décollé ces prochains mois jusqu'au début décembre et les trans. On écoute Shabazz Palaces donc dans le secret du son de bas et oui, on est de retour. C'est bon. That moonlight on your mind, you wonder what you'll find. With the sunlight falling down, you got to find a sound. With that starlight in your eyes, you wanna find surprise. With the neon in your blood, you move to find your love tonight. Ooh. Yeah, tonight. Ooh. You heard me, Helen. Oh yeah, tonight. Out. Starlight, advance on your mind. Anticipation, excitement to climb. Information, choices of cessation. New rules you can play with, blues you can shake them. No ironies arise, no predictable surprise, no sarcastic satires. Just ancient patient beings, seeing to it you get high. New off the spaceship, dipped in punctuation. Always cracking, get your crew up with your do up. It's certain to be working when you flirting with it to us. And the kicks evolve, the fix evolves, the mix revolves. Dilemma of this bitch as cliche raps getting solved. The ghetto sound sprawl, it bounce wall to wall, enthrall us and y'all. It's music that chews up, this prove it, we do it, you lose it. It's crucial, all we do is answering the call to tonight. Up, nigga, I wish you would, you wish you could, you think you should, but you don't and you won't, you have another drink, stop and think, look, you fucking with the crew to get that ship to sink, we don't, ride in the club, we dance though, take a chance, you know that we got to dazzle, they just clones tossing their own confetti, when the plush crust through, you just ain't ready, I do it, be it, see it, feel it, and I free it, and the shit I pop is heated, cause I love it and I mean it. So baby, let's touch and agree. Fucking with me, ain't no telling what you gon' see tonight. Shabazz Palace. Ouais, bah, Shabazz Palaces avec le morceau le plus lover, évidemment. En plus, j'ai pris l'album un peu à contre-pied. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement classique. Voilà, et un album qui s'écoute bien. Ils étaient un peu attendus au tournant après deux EP qui avaient un peu marqué les gens, etc. On les verra peut-être sur scène, en tout cas durant les trans, on se méfiera de la hype. De l'emballement général. De l'emballement général. Comme moi, j'avais pas encore écouté l'album, j'avais écouté les deux EP que j'avais trouvé gentils. Hein. Voilà, et ben, l'album il est vraiment sympa, voilà. Et en tout cas c'est sur Sub Pop, c'est aussi pour ça que ça a attiré l'attention, c'était la première signature hip-hop rap du label néo-grunge Sub Pop. Donc voilà, donc c'était l'occasion de marquer le coup. On va quitter le hip-hop des bacs à sable pour aller vers un retour, parce que pour le coup, c'est une surprise. Bah écoute, oui, Zan Lions, moi c'était un de mes petits favoris du tournant des années 2000. Son album Desolate, je crois que c'était autour de 2000 qui est paru, avec un ou deux EP qui avaient précédé. Un mélange de... Enfin, à la base, c'est un violoncelliste, enfin du moins, il pratique le violoncelle. C'est aussi un faiseur de beats, plutôt d'obédience, crado, électro-indus, hip-hop-indus. Et le mélange faisait mouche sur cet album comme sur les EP. Moi, ça m'avait énormément séduit. J'avais adoré écouter, jouer la musique de ce garçon. Et puis... Il a presque disparu. Puis voilà, il a ensuite passé une décennie à produire des remixes de manière extrêmement sporadique pour des groupes de seconde zone comme 6x7, Super Furry Animals. Et puis le revoilà. J'adore que Seconde Zone, vous avez compris. Super Furry Animals, c'est Seconde Zone. Ouais, vous êtes dans le secret du son d'abat, je vous rappelle. Donc, oui, donc bah, qui présente pas le moindre intérêt. Hormis les remixes de Zan Lions que je trouvais particulièrement bons, toujours dans le même esprit de beat extrêmement lourd, relevé de ces violoncellades assez glacées, assez tranchées. C'était très chouette. On l'a entendu aussi ponctuellement, j'oubliais, sur un album de Leila plus récemment, et puis aux côtés de Nicolette, qui était une nana un peu soul de la bande de Bristol, si mes souvenirs sont bons. Et puis, exactement, voilà. Et puis le voilà dans Ascopitone, figure-toi. Donc, complètement. Qu'est-ce qu'il fout Ascopitone? Ils sont tombés sur la tête, là, les Nantais. Bah, bon, Quoi qu'il en soit, ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir ce qu'il produit en concert. Il faut savoir qu'il y a quelques vidéos de concert sur son, ouais, sur son blog. Qui date de pas longtemps. Enfin, voilà, donc 3, il se produit encore du côté de Londres. Et ça peut être sympa. Ouais, elles sont chouettes, les vidéos. Elles sont quand même assez étranges, très atmosphériques, mais en même temps très tendues. C'est ce qu'on va se retrouver sur le morceau que j'ai envie de vous passer, la Serial Killer Stories. Extrait de l'album Desolate. Pour se résumer, Zan Lions, c'est le 13 octobre sur le campus électronique, donc du côté du pôle étudiant, hein, à Nantes, dans le cadre de Scopitone. Il vous en coûtera, je crois, 16€ ou 10 en pré-vente. Et puis à savoir qu'à la même heure et dans un autre endroit sur le même campus, il y a Hudson Mohawk, qu'on avait diffusé dans une précédente entité du Secret du Son d'Abba, un espèce de mélange de Prince et de Square Pusher, pour faire simple, qu'on avait beaucoup aimé et qui sort, je crois, un nouvel album. J'ai vu passer un EP là. Donc tout ça le même soir, ça vaut le coup de faire des allers-retours sur le campus pour se mettre ça dans les oreilles. On s'écoute tout de suite Zan Lions, Serial Killer Stories. Thank you.

Thank you. c'est le début de la rubrique Nécro dans le secret du son d'abord. Tu sais, mon cher Selecta, que j'y tiens particulièrement à cette rubrique. C'est vrai. Mais... Et elle est déjà fournie dès la première émission Next Gen de Secret du son d'abat, et c'est un peu triste, évidemment. Bah, comme c'est la nécro, forcément, c'est triste. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Et les hommages, moi, je m'y connais. Donc, oui, alors on triche un peu, puisqu'on s'est absenté quelques mois, donc il y en a eu un paquet de musiciens plus ou moins talentueux à passer l'arme à gauche. Ouais, et là. Jill Scott Heron faisait peut-être partie des plus intéressants. Des plus attachants et des plus marquants, des plus marquants, bien sûr. C'est-à-dire de la soul au hip-hop des années 70 jusqu'à nos jours, il aura marqué. Quand le mot précurseur signifiait quelque chose. Voilà, quand le mot précurseur. Alors on renverra ceux qui ne le connaissent pas bien à sa bio, à ses albums marquants comme Winter in America en 74 ou le fameux morceau Revolution Will Not Be Televised. En 71, et puis on s'attachera surtout à parler de ce très très bel album avec Jimmy XX. Et alors, à savoir qu'il avait porté le nom de I'm New Here, produit par un obscur gars qui s'appelle Risa Russell. Quand j'ai recherché un peu qui il était, on le retrouve aussi bien aux côtés de Run DMC que T99 ou John Z de Sigur Rós. Donc, c'est un rat de studio, bon, qui a fait un travail qui était intéressant autour des restes de voix et des restes d'humanité d'un garçon déjà bien abîmé, hein, Jill Scott Heron. Et puis c'est Jimmy XX quand même qui, sur les mêmes morceaux, les mêmes parties vocales, a fait un travail remarquable, vraiment aussi dansant que bluesy. Et, magnifique album. Hein. Ouais, vraiment, moi que j'ai pas arrêté d'écouter au printemps et à l'été, et ça me paraissait normal, voilà, d'en passer un petit extrait sorti sur cette occasion. Ouais, sorti sur le label Young Turks, donc les jeunes turcs, sur lesquels était sorti The XX. Voilà, Quator devenu trio, voilà, qui avait marqué aussi l'année 2010. Donc Jimmy XX, qui est devenu maintenant une sommité, on va dire, de la scène dub. Garage UK, ouais, voilà. Dubstep, voilà, post-dubstep. Pas de step. Comme on va s'amuser à le dire désormais. Pas de step, voilà. Pas de step. Voilà, Jimmy XX qui sort des mixtapes à tire l'arigot. Vous tapez son nom sur le net et vous en aurez. Une grande idée en tout cas de tout le travail qu'il fait, de producteur mais aussi de mixeur. On poursuit avec l'un des très très très beaux albums de l'année 2011. C'est pas une surprise mais c'est une confirmation, c'est l'album de Low qui s'appelle Come On, que moi j'ai particulièrement adoré, il faut le dire. Qu'on a beaucoup écouté l'un et l'autre. Voilà, aussi, qui s'appelle sorti chez Sub Pop avec une réelle prise de risque par rapport au précédent que moi j'aimais bien, mais qui peut-être, mis à part Grace Destroyer, que j'aime beaucoup aussi, comme la plupart des gens. Là, je trouve qu'il y a quelque chose en plus, en tout cas, une âme qui est plus forte. Et cet album, voilà, il est magnifique. On va écouter un extrait qui s'appelle Nightingale. Et juste pour dire que moi, je les ai vus en concert à la Route du Rock de Saint-Malo. Ils n'ont pas fait beaucoup de dates en Europe, en tout cas durant cet été 2011. J'ai eu la chance de les voir et c'était magnifique. Hein. La pluie leur sciait bien. Ouais, c'était magnifique. C'était tout le début de la soirée. Il pleuvait déjà depuis 2 heures et il allait pleuvoir encore 4-5 heures. La Route du Rock, quoi. La Route du Rock. Et donc vraiment, c'était vraiment magnifique. Un public hyper attentif, presque religieux, et c'était parfait en tout cas pour écouter cet album de Low que je vais caler, parce que maintenant on passe des vinyles dans Secret du son d'abat et tout de suite ça prend une autre mesure. Thank you.

bien, c'était orchestre. C'était Orchestre Tout-Puissant de Marcel Duchamp, la formation cuisseau, suisseau, belgeau, néerlandaise, écossaise et française. Enfin, c'est un... Avec un nom vraiment excellent, je trouve. Ouais, Orchestre Tout-Puissant Marcel tu Duchamp. Tu sais vraiment pas à quoi t'attendre. Bah non. Mais par contre, dès les premières notes, tu te dis, toi qui es amateur de The Festermans, toi qui es amateur de The X, tu sais que t'es pas perdu. Et pour cause, le batteur, c'est le batteur de The Festermans, un groupe génial des années 90 que j'ai eu la chance d'assister, moi à Poitiers, peut-être toi au Tonton Flagger à l'époque à Rennes. Et donc, Orchestre Tout-Puissant de Marcel Duchamp, bah, la chanteuse, qui est française, si je me souviens bien, ou suisse. Suisse francophone, elle chante comme Marion, la chanteuse de Doug Festermans. Donc au début c'est un peu intriguant parce que la musique quand même est assez similaire et le chant est quasiment même avec les mêmes tonalités, etc. Donc c'est un peu voilà. Il n'empêche que cet album là est vraiment une chouette réussite. C'est leur deuxième album sorti sur le label Red Wig, et les copains qui ont pu les voir en concert au printemps à Rennes entre autres, à Nantes aussi, étaient tout émoustillés parce qu'ils ont passé un super une moment, une belle soirée dansante, frétillante, voilà. Certes c'est pas de la noise qui tristounette et qui voilà, c'est plutôt du noise rock post-punk plutôt enjoué et frais. Tenté de mélancolie bien évidemment, mais vraiment un très chouette groupe que n'hésitez pas en tout cas à aller voir très prochainement. On passe tout de suite à Geisha. Alors Geisha, ils étaient en Angleterre, bien un qui est parti à Berlin, mais qu'est-ce qu'ils deviennent la Geisha ça? Alors ouais, Geisha, pourquoi Geisha? Parce que j'avais pas pris le temps d'écouter ce disque autoproduit qui s'appelle Maudit à minuit. Et que c'est vrai, mon cher Selecta, qu'on était pas mal attaché à la musique de ce groupe noise rock avec des accents quand même industriels, torsadés, torturés. Qui nous plaisait énormément. Je pense notamment à l'album Die Verbrechen der Liebe sur Crucial Blast en 2008 qu'on avait vraiment adoré. Et cet album Maudit à minuit avec des côtés peut-être plus pop, au moins sur certains passages, des côtés chansons plus affirmées. Plus ouais, si, je t'assure, quand t'écoutes bien. Il y a vraiment des côtés chansonniers plus affirmés, on va dire, plus pop. Ça reste quand même du geisha, c'est-à-dire que les guitares sont lourdes, elles sont puissantes, elles sont crasseuses, comme on aime. C'est sorti en 2010 et je crois qu'on aura quelques nouvelles à vous donner de geisha à venir prochainement, notamment avec leur nouveau projet qui s'appelle le Geisha Noise Research Group, où là ils partent vraiment dans des plans proches d'Agoraphobic Nosebleed quand ils jouent du speedcore. C'est vraiment ultra solide, enfin on y reviendra en temps voulu. On s'écoute pour le moment un morceau qui porte le doux nom de Du True Believer. C'est Geisha sur l'album Maudit à minuit. le secret du son d'Abba, c'est aussi le terre des contrastes. Hein. On l'avait oublié, mais non. Geisha est terre des contrastes, puisque vous l'aurez pressenti, enfin, peut-être, si vous suivez un petit peu l'actualité de ce groupe. Complètement obscur. Enfin, en même temps, ils ont quand même régulièrement des chroniques dans un certain Noise Magazine, New Noise, je sais plus comment on doit l'appeler. Donc, obscur, oui et non. Je connais d'autres projets qui n'ont pas de chronique du tout. Donc... Quoi qu'il en soit, il s'agit du leader de Geisha, Anton Mayoff, sous le nom de Anton Mayovi, son alter ego italo-disco. On aura compris sa passion pour le Manchester de 1986-87 autour de Perfect Kiss, de New Order et toute la smala de cette époque. Eux-mêmes très inspirés par la scène électro-italienne et électro-Chicago aussi, enfin ce mélange des genres. À la version anglaise, quoi. À l'anglaise, comme les Anglais savent le faire. N'oublions pas que Geisha, ils sont de Bristol à l'origine, hein, donc ce sont des Anglais. On retrouve donc leur savoir-faire et leur côté protéiforme. C'est un coup ils sont ici, un coup ils sont là, et ils font les choses avec le même élan et la même passion. Et c'est vrai que c'est assez amusant d'entendre la qualité de ce EP là, que j'ai ressorti de 2010, qui s'appelle le Sounds of Love. Alors il y a une grosse actualité autour d'Anton Mayovi en ce moment, un album à sortir. Voilà, il est sur Berlin, bien entendu. L'album s'appelle Battlestar Trans Replica Trial by Bullet. Ça va sortir ou c'est sorti. Peut-être on vous en diffusera un extrait si ça vaut le coup. Il y a eu plusieurs EP tout récemment, Zulawski, The Divine Invasion, et puis trois albums auparavant. Deux albums auparavant, pardon. Donc c'est quelqu'un qui produit. Je sais pas si tout est de la qualité de ce 5 titres de Sounds of Love, mais en tout cas moi j'ai beaucoup écouté celui-là. Pour être honnête, ça m'a fait beaucoup penser à l'époque d'une bande d'italo-anglais qui s'appelait, enfin deux frangins, une fratrie qui s'appelait les frangins d'Arcangelo, qui était du côté de Reflex, le label de Richard James, et qui produisait à fut un temps ce genre de revival électro New Orderien, et ça nous plaisait beaucoup. C'était à la fin des années 90, et là ça m'a replongé directement dans ma prime jeunesse, et voilà, c'est très sympa. Il y a déjà plus de 10 ans, on passe à aussi un dinosaure, parce que c'en est un. On va rester chez les dinosaures. C'est Jay Maxis, qui revient avec un album solo de haute volée. On va écouter un extrait, mais peut-être deux trois mots sur Jam Axis, voilà. Bah, l'un des deux leaders de Dinosaur Junior. Je ne ferai pas l'affront de vous parler plus longuement de ce groupe. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album solo. Je crois qu'il en avait fait un dans le courant des années 90. Et puis voilà, ça c'est un petit peu son retour en solo, folk rock. Produit à l'américaine, c'est-à-dire que c'est pas dépouillé. Il y a un ou deux morceaux vraiment très dépouillés, mais sinon c'est plutôt arrangé. Manière moins, je trouve, moins pâteuse, par exemple, que son comparse Thurston Moore sur la même période, qu'on a extrêmement encensé, que j'ai trouvé un peu moins bon. Je préfère largement l'album de Thurston Moore, produit par Beck. Je préfère celui de Massis, donc Several Shades of Why. On retrouve moins de scientologie dedans. On retrouve quand même des featuring comme Kurt Weill, Sophie Trudeau du Silverman Zion, etc. Pat Jenkins, qui est à plusieurs reprises sur le disque de Blackheart et Through My Pilot. Donc que du bon, et on va s'écouter le morceau Can I. Looks beyond it really means. Too much freedom. Dare I? Ah bah voilà. Hein. L'autre dinosaure. L'autre dinosaure, après Jim Axis, et ben Lou Barlow, évidemment. Lou Barlow avec ce morceau Too Much Freedom, tiré du dernier album solo sorti en 2008. C'est ça ? Voilà, c'est l'album Good Night Unknown. Il y avait à la voix derrière Lisa Germano. Carrément. C'est pas chez lui. Bah, carrément pas. Il aurait tort. Il aurait tort. Lou Barlow, que j'ai vu avec ses badauds aussi à la Route du Rock. Cette année, c'était bien la Route du Rock. Vraiment. Mugua et Sebado, je vous parle même pas de Battles, mais on en reparlera dans une prochaine émission. Et puis, tu en as déjà parlé, il me semble. Ouais, dans une précédente, mais je sais pas, elle est un peu fantôme cette émission, donc je sais pas trop si les gens l'ont écouté. En tout cas, Lou Barlow, vraiment avec Sebado, c'était vraiment, moi je les avais jamais vus, j'étais très très content de le voir. Le mythique groupe indie rock américain qui s'est. Vaguement reformés parce qu'ils sont toujours un peu fâchés, mais voilà, c'était vraiment. Il n'y a pas vraiment d'actu non plus. Non, pas d'album prévu, juste faire plaisir, jouer des bons morceaux, etc. Évidemment, les aficionadistes d'OS ont critiqué la setlist, mais c'était quand même du solide et vraiment un très chouette concert en début d'après-midi, comme ça. En fin d'après-midi, début de soirée à l'apéro, c'était parfait. Et finalement, sa dernière actu, c'est ni plus ni moins que ce disque, Goodbye Unknown sur Domino. Voilà, donc pas grand chose à en dire, si ce n'est que c'est un album que moi, que je me suis pris dans les cages à miel par surprise, parce que je fais pas partie du tout des aficionados, ni de Barlow, ni de son Sebado, ni de son Fucking June, ni rien. Et puis finalement, là, un pote m'a passé ça, et ça a été le coup de foudre pour ce disque. Et voilà, on s'est dit que c'était l'occasion. On s'écoute maintenant, mon cher Greg. On va s'écouter. C'est la magie du vinyle, ça. On va se quitter avec Leias Tupas du Zaïre, tiré de cette vraiment géniale compilation. Géniale compilation. Sofrito Tropical Discothèque sur Street Records. C'est toujours la clique Sofrito, Hugo Mendes et ses copains là qui nous reviennent avec en ce début d'année 2011 avec cette super compile avec que des tubes, alors des trucs un peu afro-cubains qui auraient pu me donner des boutons, mais les morceaux sont vraiment très très très bons. Il y a de la grosse balle et on va vous passer le tube de ce double vinyle. Et c'est les Les Leias Tupas du Zaïre avec Je ne bois pas beaucoup. Et vous allez voir, si vous écoutez un peu les paroles, de ce que vous pouvez en comprendre, en tout cas, vous allez voir que ça boit beaucoup. On écoute pour clôturer cette première émission du Retour du Secret du Son d'Abba. Donc les Leias Tupas du Zaïre. Pardon, Monico Kangela, Ngai Kandateo, Sandonini Bateki Sakakana Soma, Mungwe. Fâché contre Yoé, Mikolo va poso basanza bamboula eleka, Tolo banateo. Kofinga moninga na kwitite, ba kwiti basomba kanambongo, mama mama mama mama. Keseni lokola talo ya masanga ekesana kuitiki mambo tipeo oh oh oh oh. Pardon moniko kangela ngai kanda teo sando nini bateki saka kanda na soma mungwe. Contre yoé, mikolo ba poso basanza bambula eleka, tolo banateo. Kofinga moninga na kwitite, ba kwiti basomba kanambongo, mama mama. ekesana kwitiki mambo tipe oho oho oho oye Moi pas boire beaucoup, moi pas boire beaucoup, moi pas boire beaucoup. ami boirait beaucoup. Mon ami chassait sa femme. Moi pas boire beaucoup. Moi pas boire beaucoup. Moi pas boire beaucoup. Moi pas boire beaucoup. Accra pas boire beaucoup. Abidjan pas boire beaucoup. Moi pas boire beaucoup. Moi pas boire beaucoup. Moi pas boire beaucoup. Moi pas boire beaucoup. Moi pas boire beaucoup.